très bel après-midi. Restez à l'écoute de La Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. L'exposition conçue pour le peuple suisse. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. Cette semaine, l'Expo 64. On ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. D'une ouverture d'esprit à une fermeture de principe. Qu'est-ce que c'est qu'un Suisse ? L'amnésie d'un géant nommé Gulliver. Peut-être que Gulliver est l'emmerdeur parce qu'il est trop grand dans un pays où tout le monde se révèle petit, mais enfin, il fait peur. Ils les attendent, leurs visiteurs à l'Expo 64. Ils les attendent. Ils, ce sont bien évidemment les organisateurs. Et ils ne les voient pas venir. Tout au moins pas en nombre suffisant pour qu'ils puissent être quelque peu rassurés. Il leur a été pourtant construit une autoroute, mais non. Il semble que Lausanne soit boudée et par voie de conséquence que les caisses soient quelque peu asséchées. C'est curieux chez les organisateurs de manifestations, cette propension à demander des rallonges. Pourtant, il y a des choses qui marchent et qui marchent même plutôt bien. Ainsi, ce géant Gulliver, installé au beau milieu de la voie suisse et qui, par le biais de 12 innocentes questions, interpelle le visiteur aux endroits les plus obscurs et les plus chatouilleux. 500 000 citoyens vont répondre au géant. 1,5 million de personnes. Du jamais vu dans l'histoire des sondages. Une participation qui ferait encore aujourd'hui baver d'envie le moindre institut de sondage. Autrement dit, un formidable outil de travail. Mais hélas, l'enthousiasme va être de courte durée. Pourtant, c'était bien parti. Comme le rappelle Philippe Clos dans son article de l'Illustré, pour sortir des clichés et de l'autosatisfaction, les mandataires de la voie suisse avaient eu l'audace de s'adresser à cet ancien objecteur de conscience, dont les idées de gauche étaient de notoriété publique. Charles Apotello, au micro de Franck Musy. Quand j'étais étudiant, j'étais évidemment très sensible à tout ce contexte d'après-guerre et tout le choc a été pour les étudiants et d'autres gens, bien sûr, la fin de cette guerre, la bombe atomique, un génocide pratiquement, et puis la découverte après la guerre dans une Suisse neutre, tout ce qu'avaient été les camps d'extermination en Allemagne, l'antisémitisme, et puis cette position très inconfortable où nous étions, cette espèce de mauvaise conscience d'avoir été neutre. On a mal passé la guerre. Alors tout ça, c'est au fond résolu, si l'on veut, dans une prise de conscience personnelle, et puis peu à peu une descente, si je peux dire, dans la marginalité, parce que à l'époque on n'utilisait pas ces mots, mais étant donné qu'on refusait une société qui nous paraissait fausse, mauvaise, dangereuse, meurtrière, oppressive, ben, tous les grands mots, ben, ils étaient réellement ressentis, vécus comme tels. On ne pouvait pas vivre dans la société. Comme étudiant en droit, par exemple, je ne pouvais pas envisager de finir passer ma vie comme avocat. Donc, vivant moi, je n'avais plus d'avenir du tout. Donc, une espèce de marginalité très grave. Alors, ça a fait que j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai quitté l'université. J'ai fini par travailler comme manœuvre à la CGN, où je grattais les bateaux pendant l'hiver. Si bien que ça finit par une sorte de maladie qu'on appelle maintenant une névrose, c'est-à-dire que je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus aller dans la rue, je ne pouvais plus voir des gens parce que je n'arrivais pas à m'accepter tel que j'étais ni les accepter eux. Enfin, j'étais, les ponts étaient coupés. Alors j'ai passé, je crois, 1 ou 2 mois, ou peut-être même 3, dans une petite chambre que j'avais à Rouchy, puis j'avais un copain qui m'apportait du pain, du lait derrière la porte, je ne le voyais même pas, lui, il me laissait un mot, s'écrivait des billets. complètement cloîtré. Complètement cloîtré, mais c'était pas du tout alors pénible. Pour moi, c'était au contraire une période d'intense travail de lecture. Bon, j'ai passé là 2-3 mois cloîtré, et c'est dans cette situation qu'un beau jour, j'ai reçu un ordre de marche pour un cours de répétition. Alors, c'était réellement impossible. Je pouvais pas envisager. Personnellement, dans mon état maladif, je pense que j'étais à l'époque, je pouvais pas aller au stage militaire. Puis comme d'autre part, pour moi, l'armée était devenue l'instrument d'oppression de la bourgeoisie, enfin ce qu'on appelle l'idéologie dominante, c'est pas, c'était toutes les années reprendre les hommes en main, leur faire des théories, etc. Pour moi, c'était vraiment très grave. Je refusais aussi. Si bien que j'ai pas eu de peine, comment dire. J'ai refusé de servir parce que je pouvais plus servir dans cette armée, mais d'autre part parce que j'étais incapable de sortir de chez moi. Alors j'ai écrit une lettre à mon capitaine, et puis j'ai su sortir dans la rue pour aller la poster, et le moment où j'ai jeté cette lettre dans la boîte aux lettres, j'ai été guéri complètement, j'ai été libéré, c'était vraiment un acte qui enfin me situait malgré les risques que j'avais dû prendre. Voilà au fond mon histoire. Helvétiquement vôtre. C'est le nom d'un album et d'une chanson de Michel Buller, datant de 1969. Michel Buller est reconnu comme l'un des plus importants représentants de la chanson en Suisse romande. Il en a d'ailleurs écrit plus de 200 et fait de nombreux voyages à titre humanitaire, journalistique ou privé. J'ai 21 ans, c'est donc le moment de participer à la vie du temps. Mais comment le faire lorsque l'on n'est pas riche ou bien célèbre et que l'on n'a pas le poids des années qui, dans mon pays, avec de la chance, m'auraient permis de me faire entendre. Mais écoutez-moi, car comme vous, j'aime nos montagnes, nos Alpes de neige. Que peut bien nous faire notre hymne national? Pour nous, il est fait d'images d'Épinal qui ont leurs valeurs, qui sont belles pourtant, mais qu'on utilise en les trahissant. On parle de vaillance, on parle d'honneur, mais quel est le Suisse qui pourrait sur l'heure braver l'opinion comme l'ont fait nos pères? Et pourtant, nos montagnes, nos Alpes de neige. Quel est le banquier qui peut me montrer où a disparu, où s'est envolée la fière arrogance, l'âme indépendante que l'on avait en 1290? Tout a disparu, il ne reste plus que la folle envie de gagner encore plus. Qu'est-ce que ça peut faire que l'on ne vive plus? Il suffit qu'on aime nos montagnes, nos Alpes de neige. Oh, je sais déjà ce qu'on va me dire. Tais-toi, tu ne sais pas ce que c'est que souffrir. Comment oses-tu parler? Tu n'as pas, comme nous, gagné la guerre. Tu n'as pas la force des ans. Tu n'es pas lieutenant, tu n'es pas comptable, ni même révérend. Tu es encore jeune, tais-toi, ça passera, contente-toi. D'aimer nos montagnes, nos Alpes de neige. On ne nous propose que de conserver ce que le passé nous a imposé. Gardons nos lingots, gardons nos cantons, gardons nos faux cols et nos forts en béton. Allons-nous donc tous mourir étouffés avec bonne conscience parce qu'on a à bouffer? Certains comme nous sentent leur tête éclater, et c'est tout. D'aimer nos montagnes, nos Alpes de neige. Le projet téméraire, donquichotesque et redoutablement humain de Gulliver va trouver sur sa route un adversaire de poids, Hans-Georg Giger, le fonctionnaire fédéral dans toute sa splendeur, froid et zélé au service de l'ordre. Son portrait par Pierre Sanslivre, qui à l'époque est de l'équipe qui rédige le questionnaire Gulliver. Guiguer, c'était un petit peu notre bête noire, n'est-ce pas, on se disait, ça, Guiguer ne permettra pas, ou on va avoir de la peine pour faire avaler la pilule à Guiguer, ou Guiguer nous semblait un petit peu un condensé de cette Suisse, ou de ces Suisses hyper prudents, conformistes, conservateurs, peut-être un peu à tort, parce qu'il était plus ou mieux ou pire que cela. Hein. C'est un homme fort intelligent et astucieux et qui, j'en avais l'impression, et j'en ai toujours l'impression, amenait une lutte pas à pas contre l'idée même de Gulliver et contre les formulations même des questions de Gulliver. Guiguer, Apotello. Un affrontement entre deux hommes dignes des plus grands westerns et auxquels le réalisateur Bertrand Thomay et le journaliste Gaspard Lamunière ont consacré un documentaire intitulé « Le secret de Gulliver ». Aujourd'hui, nous retrouvons la suite de cette enquête. Chapitre 1. Règlement de compte à Expo 64. Ta-da-da. L'antagonisme entre les deux hommes, Guiguer et Apotello, remonte avant le début de l'expo. Très tôt, Hans-Georg Guiguer a repéré le danger contenu dans le projet Gulliver. Très tôt, il a donc attiré l'attention de son supérieur hiérarchique sur ce danger. En septembre 63, le conseiller fédéral Schaffner reçoit ainsi une note signée Hans-Georg Guiguer. À la fin de la voie suisse, une enquête sociologique est prévue. Une telle enquête est douteuse et sans grand intérêt. Sur différents points, nous devons nous interroger pour savoir si cette enquête est admissible du point de vue de la raison d'État. Les réponses à certaines questions pourront revêtir un aspect plébiscitaire. Guiguer a ajusté Gulliver en pleine mire et le tient en joue au bout de sa lunette. Tout simplement, il est allé demander à deux experts scientifiques leur avis sur la validité scientifique ou non du questionnaire. L'un de ces deux experts est Urs Jegi. Au cours de mon expertise, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Guiguer. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très critique à l'encontre du questionnaire. Vous aviez eu conscience à l'époque que votre rapport allait jouer un rôle si important par la suite? Non, absolument pas. Je dois d'ailleurs bien admettre que j'ai effectivement joué le rôle du méchant. Mais je n'en étais pas conscient à l'époque. Je ne pensais pas que mon expertise scientifique pouvait avoir une influence dans le processus de décision au sujet de cette enquête. J'ai probablement pensé que cela se passerait d'une façon objective. Dans les faits, j'ai pourtant fourni des arguments que Guiguer a ensuite utilisés contre le groupe d'Apotello. Je suis désolé d'avoir joué ce rôle. Car l'enjeu est désormais là. Dans la parution, la diffusion des informations. Guiguer l'a dit, pour lui, il y va de la raison d'État. L'argument est le suivant, vous allez l'entendre, dans la bouche de Jean-Claude Gisling, à l'époque adjoint à la direction d'Expo 64. Il n'aurait pas été honnête de tirer des conclusions des questionnaires, parce que le risque, effectivement, que les gens avaient vraiment joué, que les gens, et aussi qu'il y avait peut-être plus de catégories de personnes qui répondaient, d'autres qui répondaient pas, vous aviez pas un échantillonnage représentatif, je pense que les jeunes participaient plus volontiers à ce questionnaire que des vieux, ou je ne sais pas, peut-être c'était l'inverse, et ça, ce n'était pas sérieux, ensuite, de vouloir tirer des conclusions de ces réponses. Le problème est qu'Expo 64 a quelques difficultés avec sa trésorerie et se trouve pieds et poings liés à Berne. La question ne se pose guère très longtemps, les résultats du questionnaire Gulliver ne seront ni publiés ni diffusés. Le cas échéant, il sera même préférable que le questionnaire soit détruit. La censure en chanson. Le début de la guerre d'Indochine inspire à Boris Vian un titre aujourd'hui mythique, Le Déserteur, dont les propos sont jugés scandaleux par beaucoup.

Pour cette question précise, je me rappelle effectivement que nous n'avons pas pu la poser comme on la poserait aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, la neutralité était une sorte de dogme. Il était scandaleux de mettre en doute ses mérites. L'Europe était dans une phase émergente. Elle émergeait petit à petit de la communauté du charbon et de l'acier de 1951. Et c'était une question brûlante que sans doute l'on traitait discrètement de politicien, mais nos chefs estimaient que ce n'était pas le moment d'en parler devant le peuple. Et à l'évidence, ça n'a jamais été le moment, puisque la question de l'entrée dans l'Europe n'a jamais été posée aussi. Les questions brûlantes, c'est jamais le moment de les poser, pour certains. La direction de l'Expo se range du côté de Berne et lâche un Botello. Commentaire bref, mais précis, de ce dernier. On ne demande pas de renoncer à la liberté, on nous demande de se conformer. Mais ce n'est pas cela qui arrêtera à Botello. Désormais, c'est un véritable travail de résistant que celui-ci s'attelle. On lui porte à domicile, par cartons entiers, les fiches informatiques depuis le pavillon IBM. Des cartons qui succèdent à d'autres cartons et sont accumulés dans la cave de la maison. Dans cette cave, justement, j'avais toute cette enquête. On a amassé un matériel considérable, mais les suites n'ont pas voulu. Et ça a pris donc, il y a 15 jours, le chemin de cette usine à papier. Alors voilà, j'ai plus rien que des archives. J'ai gardé quelques documents de base, les synthèses, disons. Mais tous les tableaux IBM, tout le matériel de l'enquête scientifique est maintenant disparu, c'est de la pâte à papier. Une tonne et demie de matériel transformé en pâte à papier. Le pays est heureusement peuplé de casse-pieds patients. Gaspard Lamunière et Bertrand Teubé font partie de cela. Seul espoir de retrouver quelques traces de cet énorme et volumineux travail, les archives de la ville de Lausanne. Ils décident donc de s'y rendre afin d'y poursuivre leur enquête. Mais là, on leur répond qu'aucune trace de document n'apparaît dans les archives. À force de ténacité, ils finissent par tomber sur un document confidentiel daté de juin 64, portant sur un premier dépouillement partiel des résultats au moment où 134 000 personnes ont déjà répondu au questionnaire. Ce seul chiffre indique bien le succès remporté par Gulliver en un mois seulement. Et puis, à force de patience, à force de recherche, une autre nouvelle. Une université américaine s'est intéressée à l'expérience Gulliver et en a demandé copie à Botello. Il reste donc quelque part des traces du questionnaire Gulliver. Un an après, l'expo est démonté. Il faut débarrasser, revendre, replacer ce qui peut l'être. Un an après, les organisateurs de l'expo sont là, au beau milieu du chantier de démontage. Ils livrent leurs dernières impressions. J'aimerais savoir aujourd'hui, un an plus tard, quel était votre principal souci le jour même de l'ouverture de l'exposition. Tout d'abord, le directeur administratif, monsieur Henri. Eh bien, le principal souci était évidemment celui de tout le monde, c'était que l'exposition soit prête et qu'elle soit prête à l'heure. Mais je crois que ce jour-là, le souci primordial pour moi, c'était que le beau temps soit de la partie. Et nous avons eu la chance de le voir apparaître le soleil 5 minutes avant l'ouverture. C'était un vrai miracle et nous étions rassemblés au lever du drapeau, en présence du président, des directeurs, des chefs de service et de secteur. Et tout à coup, à 9h05, le soleil est arrivé, le drapeau s'est monté, les officiels n'étaient pas encore là. Et le public était derrière les grilles. Donc à la fois une minute de joie, de soulagement et de tension aussi. Oh, c'était peut-être le souvenir le plus émouvant. C'était un départ et un aboutissement à la Exactement. Fois. Monsieur Rouchtoul, les soucis maintenant d'un directeur des finances, directeur des exposants aussi, le jour d'inauguration. Oh, pour moi, la journée d'inauguration me laisse le souvenir d'une extrême tension parce que je me préoccupais de la réaction du public. Et notre public, qui était ce jour-là, c'était la cohorte des 3000 officiels. Et je me souviendrai toujours un peu de la distraction de ce cortège traversant l'exposition. Et ça nous a laissé un certain goût d'amertume. Il faut se souvenir que nous avions quand même consacré 5 ans à la création de cette œuvre. Nous nous attendions à voir des gens découvrir la beauté et le contenu de cette exposition. Et dans ce cortège, les gens dissertaient de leurs préoccupations quotidiennes. Les gens tirent un enseignement. Une journée officielle, dorénavant, faudra la faire 3 mois après l'ouverture, lorsque l'opinion publique aura sanctionné le succès d'exposition. Dans une entreprise de l'importance d'exposition nationale, la parole appartient, en fin de compte, si on peut dire, à l'architecte. À vous, Monsieur Kamensin. Combien d'années de travail vous a coûté l'Expo 64? C'était 5 ans de travail. Et de travail complet, très dur. Et quelle impression éprouvez-vous maintenant que vous la voyez démonter, cette exposition? Eh bien, c'est des impressions mélangées. Tout au début, je pensais d'avoir une impression de tristesse. Eh bien, ce n'est pas le cas. On devient philosophe. L'exposition nationale était pour moi quelque chose comme le raccourci de la vie d'un architecte. Une leçon de modestie, au fond. L'architecte bâtit et se fait souvent l'illusion de bâtir pour l'éternité. Ce n'est pas le cas. Il bâtit pour quelques générations si tout va très bien. Eh bien, ici, dans 6 ans, on a créé, réalisé, et maintenant, on voit partir ce qu'on a fait. C'est très juste. Mais il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Et je crois d'interpréter un peu l'esprit de tous ceux qui ont travaillé à l'Exposition nationale. Il y a quelque chose qui reste, c'est un sentiment. C'est celui de ceux qui ont pensé que l'exposition ne devait pas seulement être une manifestation joyeuse, mais surtout une manifestation d'humanité et de civisme. Demain, en compagnie de Gaspard Lamunière, nous évoquerons son périple aux États-Unis pour aller récupérer le précieux document et surtout ce qu'est devenu depuis le fabuleux trésor de Gulliver. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Josette Suyot et Blaise Dupaquier. Programmation musicale, Laurent Pavia. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Larry Greco, chanteur genevois qui a composé des chansons, entre autres, pour Jenny. Il interprète « Je suis prise au piège ». Je tremble de fièvre, je ne peux plus me passer de ta peau, de tes lèvres. Je veux boire aussi tes pleurs et prendre ta jeunesse. Et si tu as pris mon cœur, moi j'ai pris ta tendresse. Je suis pris. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.